Voici une petite fable de banlieue. Il était une fois, dans une lointaine banlieue, un petit coin de paradis pour les têteux. Ce quartier peuplé de fleurs en caoutchouc était baigné par le gazouillis des barbecues. Sur deux bouts de terrain vivaient deux voisins bons copains, fort avenants bien portants et, comme de raison, très bedonnants. Chacun d'eux de quelque chose était amoureux. Il n'y avait rien au monde de plus précieux. Pour un, c'était sa tondeuse, ce machin. Pour l'autre, c'était son chien, ce canet. Le premier voisin eut une surprise fort malheureuse, alors que quelque chose blessa sa précieuse. Des analyses d'ADN prouvèrent que la cause n'était pas loin, car c'était une crotte du chien de l'autre taouin. Choqué, il s'en fut chez son voisin et dit d'un trait « J'exige dommage et intérêt ». L'autre répondit « Tu ne me fais point peur, je n'ai pour toi qu'un doigt d'honneur. C'est ce qu'on verra. Moi, j'ai un très bon avocat. Et moi, je connais des journalistes. Chris. » Fusèrent alors dans tous les sens, dans tous les horizons, injonctions, mise en demeure, comparution. Au bout de 5 années de picossage, l'un d'eux eut une idée de grand sage. « Je vais régler ça à la manière de mon aïeul, avec une coupe de klaxaïeul. » S'ensuivit alors une bagarre sans précédent, mettant en vedette nos deux tarlans. Après 5 jours de combat à s'en mordre les dents, épuisés, ils décidèrent de clore l'incident. Mais comme dans tout drame il y a du bon, nos deux taouins québécois avaient à la fin de l'aventure tous deux perdu du poids.